Cours numéro 5. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-Hafiz ibn Rajab rahimahullah, al-majlis al-sadis fi wada'i Ramadan. Dernier majlis من هذه المجالس النافعة السادس قال في وداع رمضان des points importants sur وداع رمضان الوداع c'est quitter une chose vous connaissez tous طواف الوداع et c'est le dernier طواف que الحاج fait كذلك vous connaissez حجة الوداع le dernier حج que le prophète عليه الصلاة والسلام il a fait الوداع سكيتي une chose c'est pour ça que le musafir il dit استودعكم الله ça vient du mot وداع قال وفي الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وفيهما أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فمن وفقه الله سبحانه وتعالى للصيام هذا الشهر celui qui a jeûné durant le mois de Ramadan ووفقه الله سبحانه وتعالى كذلك للقيام الله سبحانه وتعالى كذلك لي فاسيليتي القيام صلاة التراويح هذه نعمة عظيمة في الحقيقة ça doit être ça notre niya أي غفران الذنوب et ne pas oublier مثل هذه الأحاديث فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه il a cité deux choses importantes قال من صام رمضان et dans l'autre hadith من قام رمضان إيمانا واحتسابا. Ces deux points, c'est très très important. أي الإخلاص. أي on fait هذا الصيام et هذا القيام. On se prive et on s'efforce à faire des efforts. في صلاة الليل وفي قراءة القرآن. Tout ça, c'est لله عز وجل. واحتسابا كذلك. On espère la récompense. Et on espère que Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Nos péchés après avoir jeûné ce mois et après avoir veillé durant toutes les nuits de ce mois. قال رحمه الله وللنساء في رواية من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أما هذه الزيادة وما تأخر فشاذة ضعيفة. أما في الصحيحين من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أي الله سبحانه وتعالى lui pardonne tous ses péchés antérieurs et passés أما وما تأخر les péchés à venir فهذا c'est ضعيف et تقدم معنا أن quand tu as un hadith في الصحيحين et tu as une ziyada tu as un ajout par rapport au hadith qui est cité في صحيح البخاري ومسلم فانتبه tu dois Regardez pourquoi ils ne l'ont pas cité. Ils ne l'ont pas cité les mâles. Les annas se rajoutent les da'ifs. L'imam al-Nasa'i, rahimahullah, il l'a rapporté, lakin fihi da'af. Fa'ida qala Cheikh al-Uthaymeen, rahimahullah, fi sharh al-mumti' qala al-imam ibn Taymiyyah, rahimahullah, kullu hadith warada fihi wa ma ta'akhar ghayru sahih. Tous les ahadith ou que tu as ce rajout « وَمَا تَأَخَّرَ » et celui qui fait telle chose, Allah il lui pardonne ses péchés passés « وَمَا تَأَخَّرَ » et à venir, c'est des ahadith ضعيفs. لماذا قال لأن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم انتهى et celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné ses péchés passés et futurs, c'est le prophète alayhi salatu wasalam. أما autre que le prophète عليه الصلاة والسلام فلا quand tu as un hadith avec cette زيادة وما تأخر أي في غفران الذنوب فاعلم أن الحديث le rajout il est ضعيف أي وما تأخر على كل حال donc هذه الزيادة ضعيفة قال رحمه الله وقد قال ابن المنذر رحمه الله في قيام ليلة القدر إنه يرجى به مغفرة الذنوب كبائرها والصغائرها وقال غيره مثل ذلك في الصوم أيضا دونك بعض العلماء قالوا أن قوله غفر له ما تقدم من ذنبه سانغلوب لي بوتي اي لي غران بيشي ومنهم Ibn al-Mundhir, rahimahullah. Que ce soit pour celui qui a veillé la nuit du destin, Laylatul Qadr, ou toutes les nuits de Ramadan, ou celui qui a jeûné. Taqaddam ma'ana avec nous les trois hadiths. Qala, wal jumhur, ala anna al-kaba'ir labud laha min tawbatin nasuh. Ibn Rajab, rahimahullah, il a rapporté qawla al-jumhur. La majorité des savants yaqouloun, anna al-kaba'ir labud min tawba. Donc, ce qui est cité dans ces hadiths, Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne tous les péchés passés, c'est les petits péchés. Amma les grands péchés, falabud min tawba. Qala wa hadhihi al-masail qad dhakarnaha mustawfatan fi mawadhi' ukhra. Wa fadlullah wasi'. Fadlullah wasi'. Il y a pas de mani' que ça englobe كذلك les grands péchés. Lakin قول الجمهور هنا سأبغي أتر le plus proche أي أن الكبائر لابد من توبة والمؤمن الموفق يرجو من الله il espère من الله que tous ses péchés sont pardonnés et s'il a fait des grands péchés فيتوب il espère que ses péchés sont pardonnés avec son jeûne avec son قيام إلى آخره كذلك يفت توبة قال فدل حديث أبي هريرة رضي الله عنه على أن هذه الأسباب الثلاثة كل واحد منها مكفر لما سلف من الذنوب وهي صيام رمضان وقيامه وقيام ليلة القدر tu as trois choses tu as le صيام le jeûne tu as le قيام veiller la nuit en salat salat al-tarawih et tu as la nuit du destin قال فقيام ليلة القدر بمجرده يكفر الذنوب لمن وقعت له كما في حديث عبادة بن الصامت وقد سبق ذكره هذا سمونتخ فضل واسع من الله أن لا نوي دو دستان فقط الله يباردن تول البيشي دو عبد كي سون باسي من الصغائر ما بالوك سلوي كي راجود بيان سور الصيام القيام توت لنوي قال وسواء كانت في أول العشر أو وسطه أو آخره نعم لأن الحديث c'est pas cité le moment de Laylat al-Qadr فلهذا المسلم il fait des efforts les 10 dernières nuits que ça soit que la nuit du destin elle soit au début des 10 dernières nuits ou au milieu ou à la fin celui qui est sincère et qui fait des efforts inshallah ta'ala ses péchés sont pardonnés قال وسواء شعر بها أم لم يشعر et ça c'est une question que beaucoup de gens ils se posent Si je fais le qiyam, et la nuit du destin, par Laylatul Qadr, lakin, on ne sait pas est-ce qu'on a vraiment fait Laylatul Qadr cette nuit, amla. Celui qui a fait la nuit du destin, qui a passé la nuit du destin en salat, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne ses péchés. Même s'il ne savait pas que c'était la nuit du destin. Enfin, c'est pas une condition de savoir que c'était la nuit du destin. Et avec l'alamat. Mathalan, le lendemain, est-ce que le soleil s'est levé sans rayon? Est-ce qu'il y a eu de la pluie? Il a akhari. C'est pas un shart, hada. C'est pas un shart pour avoir la récompense. L'essentiel, c'est que tu as fait la salat. Fali hada, celui qui est sincère et qui fait tout le mois, yajtahid fi salat al-tarawih wa ad-du'a ila akhari, fa inshallah, il n'y a aucun doute qu'il aura cette récompense. Lakin al-ikhlas. Al-mas'ala fi al-haqiqa li fi al-ikhlas, la sincérité. Taqaddam ma'ana. قول الإمام ابن رجب رحمه الله أن السبكل الاجتهاد كي كنت بل أهم من ذلك سر قبول سكو سعمل سوى أكسبته وبور كيل سوى أكسبته سعمل فلابد من إخلاص لا سنسيغيتي قال وأما صيام رمضان وقيامه فيتوقف التكفير بهما على تمام الشهر فإذا تم الشهر فقد كمل للمؤمنين صيام رمضان وقيامه نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان celui qui a veillé tout le mois et dans l'autre hadith من صام رمضان celui qui a jeûné tout le mois après ce mois الله سبحانه وتعالى يpardonne à qui il veut ثم قال رحمه الله ومن نقص من العمل الذي عليه نقص من الأجر بحسب نقصه. Et ça, ça nous montre أن الصائمين والقائمين ils n'ont pas tous la même récompense. Ça dépend de la niya, ça dépend de l'intention, ça dépend de l'ihtisab, ça dépend des efforts, ça dépend de la sincérité. Ça dépend que ذلك de al-mutaba'a, celui qui fait plus de sunan, qui s'efforce à suivre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, فلا شك أنه il aura plus de récompense. قال فلا يلوم إلا نفسه. أي ومن نقص من العمل الذي عليه نقص من الأجر بحسب نقصه فلا يلوم إلا نفسه. أي celui qui a eu des manquements et il aura à cause de ces manquements moins de récompenses, فهذا il peut s'en prendre qu'à lui-même. الحقيقة أيام قليلة وقت يسير. انظروا نحن الآن on est déjà le 3 ou le 4 de Ramadan, ça passe très très vite, bientôt une semaine. Bientôt une semaine, ça va très très vite. فلهذا الإنسان يجتهد. لماذا؟ لأن هذه المواسم comme Ramadan, c'est des mawasim, c'est des événements qui viennent une fois dans l'année et c'est un temps très court. Et celui qui n'arrive pas à faire des efforts via Dalhal pour que Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne ses fautes et avoir beaucoup de hasanat, ça peut être une source de regret. في الدنيا قبل الآخرة. قال سلمان الصلاة مكيال فمن وفى وفي له ومن طفف فقد علمتم ما قيل في المطففين. أي قوله عز وجل ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. هنا سنغبل أن هذه الصلاة كن في القيام. Et en général, on doit faire attention de ne pas se précipiter. On doit faire attention de bien faire cette salade comme a fait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc à salade, on doit prendre notre temps et s'efforcer de s'améliorer dans deux choses. Al-batin wa al-zahir. Al-batin, c'est l'intérieur avec la bonne intention et la akhirah. Et al-zahir, c'est fi'liha. Et comment la faire? Comme le prophète alayhi salatu wassalam, il l'a fait. Sallu, kama ra'aytumuni usalli, qala alayhi salatu wassalam. Qala rahimahullah, fassiyamu wassairu al-a'mal ala hadha al-minwal, wa man waffaha fahuwa khiyari ibadillah al-muwaffin. Haqiqa, cet exemple, il est tayyib dans toutes les ibadah. Anna al-ibadah, c'est comme un mikyal. أي on doit faire attention de ne pas frauder. لأن الله عز وجل ذم المطففين أي الذين يكيلون للناس ويخسرون. أي ceux qui fraudent, qui mentent, qui trichent quand ils pèsent pour vendre. هذا c'est حرام. فهكذا في العبادة on doit faire attention de ne pas tricher. فلهذا قال رحمه الله ومن طفف فيها فويل للمطففين. Celui qui triche, qui fraude في العبادة فويل له. أي malheur à lui. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء عز وجل. الله سبحانه وتعالى يكون لن يدعب. ففخوضي في العبادة تخشي ça sert à rien. وتأمل حال المنافقين أنهم تعبوا أنفسهم avec des عبادات. Et يوم القيامة ils seront في الدرك الأسفل من النار. فلهذا ça sert à rien de tricher. Allah subhanahu wa ta'ala يعلم. L'insan s'il a des faiblesses il se corrige, il demande, il fait des efforts, il fait du'a. أما tricher في العبادة, frauder عيادا بالله, vouloir se montrer, هذا c'est contre le serviteur. قال أما يستحي من يستوفي مكيال شهواته ويطفف في مكيال صيامه وصلاته ألا بعدا لمدين وفي رواية للمذنبين. كأنه سأنسب قوله أما يستحي من يستوفي مكيال شهواته. صحيح أن في الشهوات كثير من الناس في خلال نخطأ في الحرام يسدن 100% يفعل beaucoup de sacrifices. Pourquoi في الصلاة وفي الصيام on se précipite ahyana. Limada? Alors que al-ajr il est azim. Qala wa fi hadith aw wa fi al-hadith aswa'u an-nas saraqatan alladhi yasriqu salatahu. Et hada al-hadith il est sahih. Sahaha wa al-imam al-Albani rahimahullah fi sahih at-targhib. Aswa'u an-nas saraqatan, ay le pire des voleurs, c'est celui qui vole dans sa salat. Wa ja'a fi al-hadith وكيف يسرق في صلاته. Ils ont demandé au prophète alayhi salatu wasalam, après avoir entendu sa parole, anna le pire des voleurs c'est celui qui vole dans sa salat, comment il vole celui qui fait salat? فقال صلى الله عليه وسلم لا يتم ركوعه وسجوده. Il ne fait pas le ركوع et le سجود بسكينه بهدوء. Vous avez déjà vu anna le ba'd font salat très très rapidement. Et At-Tuma'nina, c'est un shart fi salat. On est obligé de prendre du temps. Amma al-ba'd font sujoud, à peine ils ont touché le sol, ils se relèvent. Aw ar-ruku' hakada. Et ça c'est très très grave. Falihada an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala aswa'u an-nas saraqatan alladhi yasriqu salatahu. Normalement, on doit prendre du temps fi al-ibada. Normalement, on doit trouver un goût, une saveur. Valihada kana yaqul an-nabi sallallahu alayhi wa sallam rihna biha ya Bilal. Rihna biha. Ay, an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, il disait à Bilal de faire la dan hatta yartah, et trouver de la tranquillité, du repos fi salatih. C'est pour ça que an-nabi sallallahu alayhi wa sallam kana yutawwil. Ahyanan, il faisait la salat pendant longtemps et il trouvait un goût, du plaisir. Pourquoi nous on a du mal? C'est tout cela, c'est lié au cœur. تقدم معنا ان البعض peut-être qu'ils peuvent rester des heures debout regardant du sport ou en marchant fil ma'asi بعضهم يفواياج يفون des sacrifices et يصبرون. Et في الصلاة peut-être que quelques minutes فيتعبون. Pourquoi? لان le cœur il est مريض. لهذا on doit faire attention, on doit faire attention de ne pas faire partie de هؤلاء المطففون. قال رحمه الله إذا كان الويل لمن طفف مكيال الدنيا فكيف حال من طفف مكيال الدين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. تأمل أن هؤلاء فزوا الصلاة مع هذا الله سبحانه وتعالى قال فويل للمصلين. كم إلى دي سبحانه وتعالى في المطففين ويل للمطففين. Et malheur à ceux qui fraudent fil mizan, ils trichent et ils fraudent et ils volent les musulmans. Ils trafiquent le mizan et au lieu de peser le poids réel, va iyadan billah yasriqun. Ha'ula lahum al-wayl. Wa hakada ce genre de musalli fa waylun lil musallin. Thumma Allah subhanahu wa ta'ala il les a décrits, qala alladhina hum an salatihim sahun. As-salat elle est pas faite à l'heure, iyadan billah. Ou il y a un manquement kabir dans la concentration, dans l'adhkar, dans le qira'a. Ou iyadan billah, ba'dhum ils la font pour les gens. Voilà, c'est très très grave. Ça nous montre que faire salat c'est très très important. Lakin ne pas faire salat faqat avec notre corps. Et on est ravil. Ou iyadan billah, faire salat lakin délaisser les conditions. Al-ba'd ta'lamoun annahum ils font salat comme ils veulent. بعضهم يغطخط toutes les salawats le soir. قال عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. نعم ceux qui sont négligents خاصة في الأوقات. والله المستعان. ثم قال رحمه الله كان السلف الصالح يجتهدون في إتمام العمل وإكماله وإتقانه ثم يتهمون ثم يهتمون بعد ذلك بقبوله. وهذا تقدم معنا أن السلف faisait beaucoup d'efforts في العمل كانوا يجتهدون خاصة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم faisait beaucoup d'efforts et كذلك الإخلاص l'intention ثم يهتمون بعد ذلك بقبوله كذلك il donnait beaucoup d'importance est-ce que ce عمل il a été accepté أم لا لأن pour que العمل il soit accepté il y a des causes. قال ويخافون من رده. Et ils avaient peur, radiyallahu anhum, que leurs œuvres ne soient pas acceptées. Et nous, c'est C'est pas à chaque fois qu'on fait une œuvre, forcément on sera récompensé là. L'Anna Allah Azza wa Jal, il a cité des causes pour que l'amal soit accepté. Qala Ibn Rajab rahimahullah, wa ha'ula alladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعمل ألم تسمعوا الله عز وجل يقول إنما يتقبل الله من المتقين. نصيحة جميلة. أنكم تفعل des efforts أخي الكريم pour faire des œuvres, كذلك fait des efforts pour que cette œuvre soit acceptée. وتقدم معنا أن pour que une œuvre soit acceptée عند الله فلا بد من شرطين. Deux conditions, الإخلاص, la sincérité, et الموافقة, أي suivre le prophète عليه الصلاة والسلام dans cette œuvre. قال وعن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال لأن أكون أعلم أن الله قد تقبل مني مثقال حبة من خردل أحب إلي من الدنيا وما فيها. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى سيز إلى أكسبت ولو أن peu de tes عمل ton توحيد الصلاة إلى آخرة إن شاء الله tu auras la réussite في الدنيا وفي الآخرة. فسي mieux que الدنيا. أما cette دنيا c'est des fitan. Ça écarte en général les gens de leur dîn. فَلِهَذَا فَضَالَهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. Il a dit cette parole. قَالَ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ إِنَّمَا يَتَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. وقال ابن دينار رحمه الله الخوف على العمل أن لا يتقبل أشد من العمل. صحيح أن العمل في الحقيقة c'est plus simple. C'est pour ça que tu trouves même les hypocrites ils font. لكن الأهم الاساسيال c'est de tout faire pour que ce عمل soit accepté. وقال عطاء رحمه الله الحذر الاتقاء على العمل أن لا يكون لله. Et ça c'est une des causes, la cause principale que l'œuvre elle est pas acceptée. أن العمل il est pas fait لله. Celui qui va au masjid مثلا il sait pas لله. C'est pour se montrer. فهذا العمل لا يقبل منه. Et كذلك الصيام كم من عبادة. فلهذا on doit toujours se remettre en question. Toujours se poser cette question. Pourquoi je fais? Pourquoi je vais au masjid? Pourquoi j'ouvre le mushaf? Pourquoi j'assiste au dors? Pourquoi je fais telle chose? Et celui qui trouve un khalal, un manquement dans sa niya, qu'il se remette en cause. قال وقال عبد العزيز ابن أبي رواد أدركتهم يجتهدون في العمل الصالح فإذا فعلوه وقع عليهم الهم أيقبلوا منهم أم لا؟ أيقبلوا منهم أم لا؟ هكذا إذا الصحابة رضي الله عنهم والسلف أنهم يفزبوا كدفر عمل صالح إذا الساسر رضي الله عنهم ومع هذا إذا بهذا الهم سوسي إسك سوف يتقبل أم لا؟ لماذا؟ لأن سيبا أكسبتي فكيس كيبا إسبيري يوم القيامة العبد يتخوب غير سيبا أكسبتي سوكي أكسبتي العمل الصالح لا غير. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. Celui qui espère rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah ala khay, il n'y a que l'amal al-salih. Vous avez remarqué que l'amal wussifa fi hadhi al-aya wa fi adillatin kathira bi al-salih. Et huna kadhalik yajtahidun fi l'amal al-salih. On fait attention. On fait attention de ne pas faire que des a'mal la a'malun saliha. Wa qala ba'du al-salaf كونوا أو كانوا يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم شهر رمضان ثم يدعون الله ستة أشهر أن يتقبله منهم. هكذا يزيد السلام سيموا أبو رمضان يفزد دعاء pour que Allah سبحانه وتعالى leur facilite de faire des أعمال dans le رمضان qui arrive. ثم quand رمضان يفزد pendant 6 mois يفزد دعاء أن الله سبحانه وتعالى يتقبل منهم حرصا. C'est pour ça que arrivé nous à cette étape du livre, la fin du Ramadan, après le Ramadan, l'insan doit faire un dua. Allah yataqabbal min. C'est a'man. Wa qala rahimahullah, madha fata man fatahu khayru Ramadan wa ayyu shay'in adraka man adrakahu fihi al-hirman. كم بين من حظه فيه القبول والغفران ومن كان حظه فيه الخيبة والخسران. Ça nous montre que ce n'est pas tous ceux qui font Ramadan, tous ceux qui font le Qiyam, ils sont récompensés. Là, Al-A'mal, c'est bien niyat. Chacun par rapport à sa niyat. قال رب قائم حظه من قيامه السهر وصائم حظه من صيامه الجوع والعطش وهذا تقدم معنا كثيرا أن البعض vont trouver de leur qiyam que la fatigue et d'autres leur siyam ils gagneront que quoi que la soif et la faim عياذا بالله. ثم قال شهر رمضان تكثر فيه أسباب الغفرة فمن أسباب المغفرة فيه في هذا الشهر المبارك il y a beaucoup de causes pour المغفرة أي pour que Allah سبحانه وتعالى il nous pardonne. فمن هذه الأسباب قال صيامه وقيامه وقيام ليلة القدر فيه. Et on a lu ensemble ولله الحمد les trois hadith. من قام رمضان et dans une رواية من صام رمضان et dans une autre من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه إيمان واحتسابا bien sûr. كما سبق قال ومنها تفطير الصوام وهذا تقدم معنا كذلك أن parmi les causes de المغفرة في هذا الشهر et pour que Allah nous pardonne s'entraider avec الفقراء خاصة في الإفطار أي leur donner de quoi rompre leur jeûne. قال ومنها الذكر وفي حديث مرفوع ذاكر الله في رمضان مغفور له هذا الحديث لضعيف بل الإمام الألباني رحمه الله في الضعيفة قال موضوع ذاكر الله في رمضان مغفور له فالحديث إلى الثبل إلا شك أن celui qui fait du ذكر إلى على خير لكن la chaîne de transmission de ce hadith elle est ضعيفة قال ومنها الاستغفار والاستغفار طلب المغفرة et هذا c'est في رمضان وفي غير رمضان لكن في رمضان تقدم معنا أنه سنة الشهر مبارك أن الأجر فيه مضاعف les récompenses sont multipliées فالسلوي qui fait beaucoup d'istighfar في رمضان إن شاء الله il a fait une des plus grandes causes pour qu'Allah le pardonne. لماذا لأن الاستغفار c'est quoi c'est طلب الغفران طلب المغفرة quand on dit أستغفر الله c'est on demande à Allah سبحانه وتعالى qu'il nous pardonne وهذا الذكر il est khafif ala al-lisan. Tu peux le répéter kathiran et la récompense elle est énorme. Falihada thabata an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala tuba liman wajada fi sahifatihi yawm al-qiyamah istighfaran kathira. Tuba ay al-janna pour celui qui yawm al-qiyamah il trouvera dans son registre et que al-malaika ils ont écrit tout ce qu'il disait celui qui trouvera beaucoup d'istighfar. On doit faire attention à al-ghafla. الاستغفار c'est une عبادة عظيمة et tu peux dire astaghfirullah quand tu vas au masjid, quand tu rentres chez toi, quand tu sors de chez toi, quand tu marches, quand tu travailles. On ne doit pas négliger comme min awqat on est fi ghafla et le temps il passe et fi l'haqiqa si on ne fait pas de péché alhamdulillah lakin hada l'waqt peut-être on prend l'exemple de le fait de marcher, on marche beaucoup dans la journée pour aller à tel endroit, pour aller à tel endroit. Enfin, si tu occupes hada l'lisan et oui, al-istighfar, inshaAllah ta'ala, c'est un khair azim pour toi, ayyuha al-mu'min, khasatan fi Ramadan. قال ودعاء الصائم يستجاب في صيامه وعند فطره. Et ça, c'est من أسباب المغفرة. لماذا؟ لأن دعاء الصائم مستجاب. Le jeûneur, son دعاء, il est exaucé. فأن doit faire هذا الدعاء. أن الله سبحانه وتعالى يتقبل منا. Qu'Allah il accepte nos œuvres comme taqaddam et qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous pardonne. Wa ghayr dhalik talab al-jannah wa al-isti'adah min an-nar wa min 'adab al-qabr ila akhirih. Al-muhim al-mu'min il demande les choses nafi'a khassatan tout ce qui est lié à l'au-delà. Amma al-ad'iya allati ja'at fi ba'd al-ahadith 'an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu jazza il disait tel dhikr quand il rompait son jeûne. فلا يصح في هذا الشيء. Il y a beaucoup d'ahadith في هذا, لكن c'est des ahadith faibles. Aïe, un dhikr précis quand on rompe le jeûne. Est-ce qu'il y a un dhikr précis, un dua précis? Il y a des ahadith في هذا, لكن c'est des ahadith ضعيفة. وصح في سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ترد دعوتهم الإمام العادل والصائم حتى يفطر ودعوة المظلوم. Ces trois catégories de personnes, leurs dua, ils sont acceptés. الإمام العادل, le gouverneur juste, والصائم حتى يفطر. هذا صحيح, ça nous montre. أن البعض يفكر que الدعاء qui est exaucé c'est que quand on rompt le jeûne. Là, tant que tu es صائم, tant que tu jeûnes du Fajr jusqu'au Maghrib, الدعاء il est exaucé. Enfin, c'est pas min al-hikma de restreindre هذا الفضل العظيم à ce moment quand on rompt le jeûne. Là, toute la journée, نكثر من الدعاء en étant dans cet état de siyam. Al-hadith هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه صححه الإمام مقبل الوادعي رحمه الله في الجامع الصحيح. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله فلما كثرت أسباب المغفرة في رمضان كان الذي تفوته المغفرة فيه محروما غاية الحرمان. avec tous ces أسباب عظيمة الصائم الله سبحانه وتعالى lui pardonne ses péchés passés. كذلك la nuit quand il fait salat, salat al-tarawih, Allah lui pardonne. كذلك la nuit du destin, Allah lui pardonne. كذلك son dua, il est exaucé. كذلك il peut faire beaucoup de khayr, nourrir des pauvres et la akhirah. Fa celui qui après ce mois, Allah subhanahu wa ta'ala lui a pas pardonné ses péchés, fa fil haqiqa hada c'est un manque de tawfiq. محروم, il a été privé. Et fil haqiqa celui qui a été privé peut s'en prendre qu'à lui-même. Wa nas'al Allah subhanahu wa ta'ala le qaboul. Wa illa wa Allah subhanahu wa ta'ala il nous a facilité jitten un moment très court, un mois faqat, et khayrat, et beaucoup de récompenses. Thumma qala rahimahu Allah wa lamma kanat al-maghfiratu wal-'itq min an-nar كل منهما مرتبا على صيام رمضان وقيامه أمر الله سبحانه وتعالى عند إكمال العدة بتكبيره وشكره فقال ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Ça, ça nous montre أن أبخ العبادة لابد من شكر. لماذا؟ لأن tout ce qu'on a cité c'est des bienfaits من الله سبحانه وتعالى. Peu de عمل فتأمل une nuit et Allah subhanahu wa ta'ala, il te récompense l'équivalent de 1000 mois. Une nuit, ça équivaut en fait à une vie tout entière fait l'ibada. Fadlun min Allah. Un mois de siyam, c'est très simple le siyam. Et kadalik al-qiyam, c'est khafif. C'est quelques heures par nuit, et Allah subhanahu wa ta'ala, il te pardonne toutes tes fautes. Fahada la bud min shukr. C'est pour ça que, comme ça yati ma'ana, shara'a, شرع الله سبحانه وتعالى أبخي هذا الصيام plusieurs عبادات مثلا صلاة العيد مثلا التكبير avant صلاة العيد tout ça كما جاء في الآية ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ça c'est التكبير أي يوم العيد كذلك شرع الله سبحانه وتعالى لعباده الصيام الست في شوال 6 jours de شوال c'est une autre عبادة لماذا pour la reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir facilité as-siyam. Qala rahimahullah fa shukru man an'ama 'ala 'ibadihi bi tawfiqihim lis-siyam wa i'anatihim 'alayhi wa maghfiratihi lahum bih wa 'itqihim min an-nar an yadhkuruhu wa yashkuruhu wa yattaquhu haqqa taqatih. Et ça c'est min 'alamati at-tawfiq wal qabul. Celui qui après un 'ibada yashkur et continue à faire du khayr et il est reconnaissant, tout ça c'est des signes qui montrent bi'idhnillahi azza wa jal anna son amal il est accepté. Thumma qala rahimahullah in kanat ar-rahma lil muhsinin fal musi la yay'as minha wa in takun al-maghfira maktuba lil muttaqin fal zalim li nafsihi ghayru mahjub anha. Ça c'est un autre rappel qu'il fait rahimahullah pour que ceux qui ont eu des manquements fi hadha ash-shahr et ceux qui sont éprouvés par certains péchés iyadan billah même haoula ils n'ont pas le droit de désespérer. Limadha li'anna fadl Allah wasi'. Ils doivent faire des efforts et s'ils ont eu des manquements ils ne désespèrent pas. Limadha li'anna al-ya's wal-qurut min rahmatillah c'est un autre péché On n'a pas le droit de rajouter des péchés sur nos péchés. Si on a eu des manquements, le fait de se lamenter, de désespérer, ça ne sert à rien. Si on a eu des manquements, là, natoub, on fait tawba et on se corrige. فلهذا إلى ستة قول الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا فلا تقنط لا تقنط ne désespère jamais. قال رحمه الله فيا أيها العاصي وكلنا كذلك نصيحة للعصاة ceux qui font des péchés. وابن رجب رحمه الله قال وكلنا ذلك أي on fait tous des péchés بين مقل ومكثر. Certains ils en font beaucoup, d'autres moins. Wa illa fal ma'soum, c'est al-anbiya. Qala la taqnat min rahmatillah li su'i a'malik fa kam yu'taq min an-nar fi hadhihi al-ayyam min amthalik. Et taqaddam ma'ana, et on peut reciter le hadith huna, anna nabi sallallahu alayhi wa sallam qala wa lillahi 'utqa min an-nar wa dhalika kullu layla. Allah subhanahu wa ta'ala il sauve chaque nuit de Ramadan des musulmans minanna et qui mériteraient de rentrer en enfer à cause de leurs péchés, et Allah subhanahu wa ta'ala il leur pardonne, il les sauve. C'est pour ça qu'on ne doit pas désespérer. Qala la taqnat min rahmatillah li su'i a'malik. Ne désespère pas. Ça ne veut pas dire qu'on doit prendre les péchés à la légère. Là, ça veut dire qu'on doit se remettre en question, se corriger. Amma désespéré fala limadha li anna désespéré fil haqiqa, c'est grave. Il y en a celui qui désespère, qu'annahu, il croit plus, annallah azza wa jalla, il est capable de pardonner. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le ghaffar, c'est le ghafour, c'est ar-rahman, c'est ar-rahim, c'est at-tawwab. Celui qui connaît ses noms, wa yu'min biha, il ne va pas désespérer. L'imam a désespéré, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut te pardonner. Lakin, sans se laisser aller, falihadha qala, فكم يعتق من النار في هذه الأيام من أمثالك فأحسن الظن بمولاك وتب إليه. Deux choses. حسن الظن. C'est ce qu'on vient de citer. أي أن الله عز وجل كريم غفور خاصة في هذا الشهر. Allah سبحانه وتعالى pardonne beaucoup et il aime pardonner. Donc on n'a pas le droit d'avoir هذا الظن السيء أي penser qu'on ne sera pas pardonné. فلهذا وعد المسلمين تسلط عليهم الشيطان et ils pensent qu'Allah ne va pas leur pardonner. عيادن بالله بعضهم يدلس بعضهم مثلا toute l'année ils ont fait des péchés là après. ثم quand le mois de Ramadan il débute et c'est une occasion pour qu'Allah nous pardonne, faire des efforts, بعضهم يقول toute l'année je fais kada wa kada, pourquoi là? الشيطان il lui fait croire que c'est de l'hypocrisie. Et si je fais pendant Ramadan, là c'est الشيطان il veut t'égarer. أخي الكريم, commence, reprends à nouveau, un nouveau départ. Fais un siyam, bien sûr, fais salat. Toub il Allah, et peut-être que tu vas mourir durant ce mois et tu mourras à l'après. Peut-être qu'après Ramadan, Allah il va te faciliter et tu vas continuer. Lakin al-shaytan il égare kathirun min al-nas bihada. Qala fa ahsin al-dhan bi mawlak wa toub ilayhi. La deuxième chose, at-tawba. On ne désespère pas, lakin on ne prend pas les dhunoub à la légère. Fa al-mu'min دائما الى بين خوف ورجاء. الرجاء c'est هذا الظن الحسن qui va te pousser à espérer, et الخوف c'est tes péchés qui te poussent à avoir peur. فتتوب. Donc دائما on n'oublie pas ces deux points, التوبة وحسن الظن. قال فإنه لا يهلك على الله إلا هالك. صحيح. C'est pour ça que Allah سبحانه وتعالى nous a facilité. الذي يهلك, celui qui s'égare et qui va finir, c'est vraiment qu'il n'avait pas de خير. وإلا celui qui a du خير, Allah سبحانه وتعالى nous a facilité. ثم قال عباد الله إن شهر رمضان قد عزم على الرحيل. Donc après cette lecture ولله الحمد de toutes ces assises, on arrive à la fin. فابن رجب رحمه الله il conseille. فقال عباد الله إن شهر رمضان قد عزم على الرحيل. أي شهر رمضان il va bientôt nous quitter, il va bientôt voyager. Et c'est ça le sens du titre وداع رمضان. أي رمضان c'est comme un ضيف, c'est comme un invité, il est de passage. À la fin de ce mois, هذا الشهر المبارك il nous quittera comme tous les ans. قال ولم يبق منه إلا القليل. لماذا؟ لأن on est encore à la fin, on n'est pas arrivé au mois de شوال. فمن منكم أحسن فيه فعليه التمام. Celui qui a fait beaucoup d'efforts, faut qu'il continue jusqu'à la fin. بل qui continue ses efforts après Ramadan. قال ومن كان فرط فليختمه بالحسنى. Celui qui a eu des manquements, fait qu'il se rattrape. On a tous des manquements. Peut-être on a eu des manquements au début de ce mois, dans la lecture du Coran, dans le qiyam, dans le dua, dans le fait de nourrir des pauvres et la akhira. On se rattrape. Alhamdulillah, il y a toujours une force. قال فالعمل بالختام. Ça nous encourage d'aïman à nous reprendre. لماذا لأن الأعمال بالخواتيم. Même si tu as un manquement, si tu fais des efforts et tu meurs pendant ce moment que tu fais des efforts, falhamdulillah, tu as tout gagné. قال فاستمتع منه فيما بقي من الليالي اليسيرة والأيام واستودعوه عملا صالحا يشهد لكم به عند ملك العلام وودعوه عند فراقه بأزكى تحية وسلام. كلام جميل. على كل حال, هذا الشهر on doit essayer de faire le plus d'efforts, plus que d'habitude. ثم قال كيف لا يجري للمؤمن على فراقه دموع وهو لا يدري هل بقي له في عمره إليه رجوع. Et ça va nous pousser à faire encore plus d'efforts. Ça, c'est une faïd عظيمة. أن هذا الشهر, ولله الحمد, on est le 4 اليوم, ou le 5 pour certains. على كل حال, on ne sait pas, أولا, est-ce qu'on va terminer هذا الشهر, et si Allah nous facilite de terminer ce mois de Ramadan, cette année 1440, on ne sait pas, est-ce que l'année prochaine, 1441, est-ce qu'on fera partie de ceux qui feront siyam. Manadri. L'insan, yadam billah, il peut s'égarer, l'insan, il peut mourir. Enfin, ce n'est pas garanti qu'on refasse un siyam. Fali hada, celui qui a hadhihi niya, il prend les choses comme si c'était la dernière fois. Kun fi dunya ka annaka gharib. Comme si demain tu allais voyager, demain tu allais mourir. Mathalan, cette nuit qu'on va passer à Léo, peut-être que c'est la dernière. Manadri. Enfin, celui qui a cette nuit, il y a l'échec, c'est Yeshtahid. Amma at-taswif, kadhalik, ça fait partie des ruses d'Iblis pour écarter le mu'min anil khayr. Tu n'as pas fait d'efforts les 10 premières nuits, tu en feras les 10 dernières. Tu n'as pas nourri de pauvres cette semaine, Inch'Allah, tu nourriras la semaine prochaine. Et hankada, on repousse, hatta malak al-maut. Il prend notre âme et on s'est privé nous-mêmes. Al-Muwaffaq, c'est celui qui applique comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, kun fi dunya ka annaka gharib ou abir sabil. Wa khud min sihhatika li maradik wa min hayatika li mawtik. Ça, c'est très très important, de se précipiter à faire les bonnes œuvres. Amma repousser, al-ulama, ils appellent cela at-taswif. Ay sawfa af'al, demain je vais faire, demain. هذا من أعظم أسباب الحرمة. أي سي une des plus grandes causes d'être privé du bien. فمن فعل الخير خاصة في هذا الشهر. فهذا ما يتعلق بهذا الشهر المبارك. Et on passe à notre deuxième درس et نقرأ فيه. Là, parce qu'on prend le premier majlis de شهر شوال. لماذا؟ لأن c'est lié. كذلك on fait une dernière nasiha huna, أن tout ce khayr que l'imam Al-Hafid ibn Rajab rahimahullah il a cité, et qu'Allah pardonne les péchés, les shayatines ils sont enchaînés, les portes de l'jannah elles sont ouvertes, les portes de l'nar elles sont fermées, et beaucoup de gens ils font du khayr, c'est un moment azim, كذلك le mois de Ramadan pour faire da'wah. Et huna nous nabbih un point important. أن تعلمون أن في رمضان les mosquées se remplissent et كثير من المسلمين ils font des efforts et كثير منهم ils sont sincères. C'est pour ça qu'ils font ces efforts. Ouais, la personne les force et ça montre la sincérité. فنحن في الحقيقة في هذا الحال on doit les encourager. Ne pas faire l'erreur de certains, مثلا critiquer ceux qui viennent في المسجد que pendant رمضان. Ça c'est pas من الحكمة. Ou là, on ne sait pas, nous, est-ce que nos œuvres elles sont acceptées, cette salat qu'on fait au masjid d'Allah, est-ce qu'elle a accepté Amla? Kadhalik, on ne sait pas, ou là, peut-être qu'ils sont plus sincères que nous, et ils vont faire des efforts vers Ramadan, ils vont mourir via de ça, et ils vont mourir à la khayr. Et nous, on ne sait pas comment on va mourir, peut-être que cette année, on va au masjid, l'année prochaine, Allah, où on sera. Faire attention à ça. بعضهم quand ils voient beaucoup de jeunes خاصة venir في رمضان et بعضهم ils les prennent de haut ou ils les critiquent ou ils remettent leur sincérité en cause. Ça nous appartient pas. Nous on doit en profiter أنهم si ils viennent c'est qu'ils ont du khayr. Il n'y a personne les a forcés. وكم من الناس ils viennent pas au masjid pendant رمضان. Ils viennent pas. Quand c'est pas Ramadan, et pendant Ramadan, ils ne viennent pas. Enfin, ha'oula qui sont venus, ils ont du khayr. Enfin, on n'a pas besoin de leur faire la remarque. Ba'dhoum, ils font la remarque. Quand ils rencontrent un de ces jeunes, mathalan fil masjid, les premiers jours de Ramadan, et ils lui font la remarque. Pourquoi tu viens que pendant Ramadan et la akhira? Et ça, c'est la cause. Ce jeune, Obama, il revient plus. Enfin, mais al-hikmah, c'est de les accueillir sans faire cette remarque. Au contraire, les encourager. Ils ont franchi un cap et ils ont réussi à se défaire de leur passion pour venir au masjid et les encourager pour qu'ils restent. Et haoula, al-shabab, s'ils trouvent des frères qui ont de la rahma fil masjid, s'ils trouvent du ilm, s'ils trouvent des conseils, ça peut être la cause après Ramadan, ils restent au masjid. Et petit à petit, ils s'écartent des ma'asi. Kadhalik, concernant les sœurs, c'est la même chose. On a des sœurs pendant Ramadan, peut-être qu'elles arrêtent de mettre certaines tenues, ou elles arrêtent de se maquiller, ou elles ne mettent plus le hijab, ou plutôt elles mettent le hijab. C'est une alama, il reste du khayr. Cette sœur, elle doit en profiter pour l'encourager. Elle m'a prendre de haut. Et pourquoi tu fais ça que pendant Ramadan et il a akhiré? Voilà, c'est pas mine al-hikma fi da'wa. La chèque en al-ba'd, il joue. On n'y pas là, en al-ba'd pendant Ramadan, ils font du khayr en apparence et après ils reviennent à leur ma'asi et fil haqiqa, ils donnent pas beaucoup d'importance à ce mois. Là, ça c'est dans le cœur. On prend les gens en apparence et on essaye d'être une porte de bien pour eux, les aider. Même s'ils ont ce manquement dans la sincérité, on essaie de les attirer vers le khayr. Amma le repousser ou se moquer de lui ou le prendre de haut, fil haqiqa, tu facilites aux shayatin qui sont attachés après Ramadan, tu leur facilites hada al-akh ou hadi al-ukht. Tu leur facilites leur proie. Là, on doit faire des efforts pour avoir de la rahma du rif et leur montrer limadha li anna anta, les efforts que tu fais, c'est bi fadlillah. Et hum, les manquements qu'ils ont, tu étais comme eux. Et anta Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a guidé, il t'a favorisé à la kathir min khalqihi, et al-fadl revient Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on n'a pas besoin de prendre de haut les autres, ou vouloir montrer les faiblesses des autres. Là, fi hadha shahr, c'est shahr ur-rahma, et al-jaza min jins al-amal kama taqaddam, celui qui a de la rahma envers son frère, Allah yarhamu. On essaie de leur montrer, leur expliquer, quand on les rencontre fil masjid, quand on les rencontre dans la rue, et quand on voit qu'ils font des efforts pour hadatin, on essaie de leur faciliter. Wa billahi tawfiq, et on passe au dernier dars fi ma yata'allaq bi shawwal, walhamdulillah.